Maman, j'ai le cœur pressé, aide-moi à le réparer. Cette fleur, je la pose sur ta tombe. J'aimerais pas que je tombe. Tu me manques, je t'aime avec ce grand M. Je t'aime avec ce joli M. Tu es un ange, je t'oublierai jamais. Je compose pour que tu sois fier de ton fils. Tu es un ange, je t'oublierai jamais. Je compose pour que tu sois fier de ton fils. Loin de ton cœur, loin de mes rancœurs, j'aimerais te voir heureuse et pas te voir malheureuse. T'as tout fait pour nous, je dois te montrer comment on te remercie. Tu nous as sauvés, je peux te remercier. Tu es un ange, je t'oublierai jamais, je compose pour que tu sois fier de ton fils. Tu es un ange, je t'oublierai jamais, je compose pour que tu sois fier de ton fils. Je suis fier de toi, ton cœur et en toi, ta foi et en toi, ton courage et en toi. Seules les larmes te représentent, les armes sont loin de toi. Tu es un ange, je t'oublierai jamais, je compose pour que tu sois fier de ton fils. Tu es un ange, je t'oublierai jamais, je compose pour que tu sois fier de ton fils. Tu es un ange, je t'oublierai jamais, je compose pour que tu sois fier de ton fils. Tu es un ange, je t'oublierai jamais, je compose pour que tu sois fier de ton fils. Désolé pour les paroles hardcore, désolé pour ne pas avoir refait le score. Tu es un ange, tu es une mésange. Je suis loin d'être un fils parfait, je suis loin d'être un compositeur parfait. Tes tristes réalités, on t'a mis trop de côté. La misère t'a ignoré, la richesse t'a rejeté. Aujourd'hui, je te chante, aujourd'hui, tu es aux anges. Tu es un ange, je t'oublierai jamais, je compose pour que tu sois fier de ton fils. Tu es un ange, je t'oublierai jamais, je compose pour que tu sois fier de ton fils.